ici on peut croire des secousses sismiques, parce qu'elle est reine, hein, parce que Mulhouse avait été complètement détruit en 1400, je ne sais plus combien. Hein. Tout ce qui est au bord des mers sont sujets aux tremblements de terre. D'abord, tout ce qui est au bord de la Méditerranée, toi, le midi de la France, l'Italie, la Grèce, tous ces pays au bord des mers, c'est sujet aux tremblements. Ici, on n'a que le Rhin, toi, c'est une secousse sismique, c'est comme si tu soufflais une bougie, hein. C'est rien. C'est comme Naples. C'était Pompéi dans le temps. C'était rasé complètement par un bombardement, par un tremblement de terre en 1400, je ne sais combien. Ben, on l'a refait Naples. Puis il y a eu il n'y a pas longtemps, peut-être bien 10-15 ans, il y avait des gars d'un coup qui étaient en vacances en Naples. Tout d'un coup, les chaises qui remuaient comme ça, ça montait à 6-7. Hein. Oh ben, tout le monde tremblait. Hein. Calme, on n'a pas eu peur quand tout est calme. Hein. C'est comme tu dis, oh, j'ai pas eu peur quand tu t'es calme. Quand t'as vu, t'as la trouille comme tout ça. Hein.